Alors j'ai quitté la terre, j'ai plongé dans l'océan et j'ai nagé dans la mer. Puisque le coucher du soleil, j'ai nagé avec le vent, j'ai nagé avec. Maintenant danse, comme tu regardais en avant, t'as regardé en arrière, t'as regardé en dedans. Maintenant danse, comme tout était à l'envers. T'as pris du noir pour du blanc, t'as pris du rouge pour du vert. Alors t'as quitté la terre, t'as plongé dans l'océan et t'as nagé dans la mer. Puisque le coucher du soleil, t'as nagé avec le vent, t'as nagé avec. Maintenant danse, on bouge la tête en avant, on bouge la tête en arrière, on bouge la tête en dedans. En dedans, maintenant danse.